Covid ni en Hongrie. Bon après-midi à tous, bienvenue à ce journal et la grande édition de ce dimanche 17 février 2018. Et donc voici les principaux titres. Le président du Parti Congrès National pour la Liberté SNL appelle ses militants à faire preuve de la tolérance politique envers d'autres militants. C'est après l'agrément de leur parti politique. Et le lycée communal Gatwe en commune Kayokwe de la province Mwaro fait face à un manque criant d'enseignants. Plus de 80 heures de cours sont enseignées par des enseignants vacataires. Et à mairie de Bujumbura, la Fédération burundaise d'athlétisme a organisé ce dimanche des compétitions nationales d'athlétisme cross-country dans le but de sélectionner sept meilleurs athlètes qui vont représenter le Burundi dans les compétitions mondiales au Danemark au mois de mars. Voilà pour le sommaire. La mise en onde est assurée par Epitas Ndaishimi. De la politique pour débuter ce journal, le président du parti politique Congrès national pour la liberté SNL, nouvellement agréé par le ministère de l'Intérieur et de la formation patriotique, lance un appel à ses membres de rester sereins et d'être tolérants vers les militants des autres partis politiques avec lesquels ils ne partagent pas l'opinion politique. Le député Agathon Gwasa a lancé cet appel jeudi dernier après l'agrément de son parti politique. Je vous prie de le suivre. Notre message à nos membres et à toute la population burundaise, c'est un message de paix et de tranquillité. Nous exhortons tout un chacun à être humble et à reconnaître l'autre, le respecter et le préserver. Nous en appelons à tous les Burundais d'être unis et soudés et de comprendre qu'avant tout, il y a la nation burundaise et que chacun est appelé à amener sa contribution. Et on ne peut le faire que si les gens comprennent effectivement qu'ils sont tous citoyens d'une même nation et que donc la tolérance en politique doit rester toujours de mise. Et que la compétition politique, ce qui importe, ce sont les idées, ce sont les programmes et rien que ça. Et donc, nous exhortons les Burundais à être de plus en plus conscients que ce Burundi peut se tenir debout si et seulement si tout un chacun est conscient que il travaille pour sa nation. Avant tout, c'est le Burundi, le reste vient après. C'était le député Agathon Gwasa, président du Parti Congrès National et pour la Liberté SNL. Et de la politique à l'éducation, le lycée communal Gatwe, situé en commune Kayokwe de la province Mwaro, connaît un manque criant d'enseignants. Plus de 80 heures de cours n'ont pas d'enseignants à temps plein. Le directeur de cet établissement explique que l'école est obligée d'engager des enseignants vacataires et des bénévoles pour dispenser ces cours, mais certains parcourent une longue distance pour arriver à cette école. Les détails avec Laurent Dicouli. Selon Guichori-Pierre Justin, directeur du lycée communal Gatwe, situé en commune Kayokwe de la province Mwaro, cette école n'a jamais eu de professeur de français qualifié depuis sa création il y a plus de 10 ans. Il précise que cette école avait, il y a quelques années, deux professeurs d'anglais, mais l'un a été par après promu directeur, tandis que le deuxième a été redéployé. Ils n'ont pas été jusqu'à présent remplacés. Cette situation fait que 33 heures du cours d'anglais à ce lycée communal Gatwe n'ont pas de professeur titularisé. 15 heures du cours de Kiswahili n'ont pas non plus de professeurs à temps plein, d'après toujours le directeur du lycée communal Gatwe, situé en commune Kayokwe. Pourtant, cette école a une section des langues. Dans la section des sciences, cette école manque d'enseignants qualifiés pour les cours de mathématiques et des sciences de la Terre, car celui qui dispensait ces cours a été promu directeur du lycée communal Gihinga, dans la même commune de Kayokwe. Comme solution provisoire, Guichori-Pierre Justin, directeur du lycée communal Gatwe, dit que l'école a engagé des professeurs vacataires et des professeurs bénévoles. Il indique que celui qui dispense le cours de Kiswahili vient de la commune de Bissoro. L'école se charge de payer à cet enseignant les frais de déplacement pour pouvoir alléger la situation. De Mwaro, Laurent Dicurio, Radio Isanganiro. De la province noire Mwaro, nous nous rendons dans la province de Gitega où les personnes qui ne savent ni lire ni écrire mais qui désirent avoir des permis de conduire grognent du fait qu'ils n'ont pas eu le droit au test d'obtention de ce genre de documents. C'est au moment où ce vendredi et samedi, il était organisé à Gitega des séances de passation des tests d'obtention des permis de conduire provisoires et définitifs. À ce moment, trois hommes ne sachant ni écrire ni lire n'ont pas fait le test d'obtention de permis de conduire provisoire. Le chef du guichet unique en province Guitéga indique qu'il a déjà informé ses supérieurs. Le point avec Gérard Nibigil. C'est ce vendredi qu'a été passé le test d'obtention des permis de conduire provisoire à Guitéga sur 432 candidats. 288 ont réussi. Toutefois, trois hommes qui ne savent ni lire ni écrire ont remis des feuilles vierges. Ils disent qu'ils croyaient qu'il y avait une autre façon de les évaluer autre que l'écrit. Ils grognent comme quoi leurs droits n'ont pas été respectés, d'où ils réclament le droit de passer le test d'obtention d'un permis de conduire provisoire. Ferdinand Misigaro, chef du guichet unique provincial à Guitéga, déclare que les personnes ne sachant ni lire ni écrire ont exactement droit au test d'obtention de permis de conduire conformément à la loi relative. Il souligne pourtant qu'il n'était pas habitué à des cas pareils et qu'il en a déjà donné rapport à ses supérieurs hiérarchiques. Il espère qu'une solution durable à ce genre de problème sera définitivement trouvée. Enfin, c'est ce samedi qu'il a été organisé un test pratique d'obtention des permis de conduire définitif. Sur 59 personnes qui ont passé le test, 45 ont réussi, dont 3 femmes. Pour Ferdinand Misigaro, ces deux taux de réussite sont satisfaisants. Il est prévu d'autres tests pareils dans 3 mois à venir. Depuis Guitéga, Jean-Yves Guira pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. 13h01 dans les studios de la radio Isanganiro, on poursuit avec le journal. Certaines femmes de la commune Gihanga en province de Bubanza saluent le niveau d'adhésion aux associations locales. Ces femmes avouent que leur appartenance diminue les conflits familiaux et à l'administration de Gihanga. On appelle d'autres femmes à se servir de ces exemples. Les précisions avec Moïse Misako. La plupart de ces femmes sont regroupées en associations agropastorales et de microfinances. Ces femmes soulignent que leur appartenance à ces associations leur permet de se cultiver. Elles affirment que leurs foyers sont tranquilles. Nous voyons que la femme est appartenant à une association mène le dialogue avec son mari au niveau de leur foyer. Ils échangent sur la situation familiale en cas de problème. Il arrive que la femme fait recours chez d'autres femmes réunies dans ces associations. Si un conflit surgit dans le couple, le mari peut appeler les membres de l'association pour intervenir. Là où il y a le malentendu, ces femmes peuvent aider. Selon celle-ci, des sensibilisations sont nécessaires pour éveiller d'autres femmes qui négligent de se joindre aux autres dans des associations féminines. Des sensibilisations sont nécessaires car il y a des femmes qui négligent toujours de se joindre aux autres et d'autres considèrent que celles qui appartiennent à ces associations perdent leur temps. Mais c'est parce qu'il y en a qui ne comprennent pas l'importance de ces associations. S'il y a des sensibilisations, elles peuvent se rendre compte de l'importance de l'appartenance aux associations. Lors des échanges, on parle aussi des conflits familiaux et cela aide les femmes à bien se comporter. Au niveau de l'administration, l'on salue cette initiative. Il défonce Badiru Kwabo, conseil technique chargé des questions sociales et administratives, dit que des conflits au sein des couples pareils sont faciles à traiter. Au niveau de ces groupements, de ces associations-là, il y a de petits conflits qu'ils évitent quand ils sont dans le ménage. Et s'il y a des conflits qui arrivent, c'est facile aussi de les conseiller à éviter ces conflits-là. C'est facile de résoudre les conflits quand ils sont en association. Cette autorité au sein de l'administration communale de Gihanga invite d'autres femmes à se réunir en groupement. Moïse Misaga qui nous disons merci de la société à l'agriculture. La récolte de certaines cultures comme le maïs et les pommes de terre ne sera pas du tout bonne pour cette saison culturelle en commune Bugendana de la province de Guitéga. Le conseiller technique chargé des affaires économiques et du développement s'est fait savoir que certains champs ont été endommagés par des pluies mêlées de grêle. Suivez Paterne Wingo Ye, il est au micro de notre confrère Orben Yonghur. En fait, c'est une pire réalité parce que cette année, nous avons eu beaucoup de pluie et mélangé même de grêle qui ont menacé les cultures qui permettaient la vie dans notre commune. Aujourd'hui, nous constatons que la récolte ne sera pas très bonne comme l'année passée suite à cet incident. Les cultures qui sont habituées pour cette commune sont lesquelles? Ici, ce sont les pommes de terre, les maïs, les bananes, les haricots. Il y a aussi la culture des manioc et de la patate douce dans ces saisons, sans toutefois ajouter la culture du maïs qui se pratique dans les marais. Mais c'est pas pour ce moment. Et quelles sont les cultures qui ont été le plus touchées? Notamment le maïs, les pommes de terre aussi. Mais on dirait qu'il n'y a pas un cri d'alarme, la population a d'autres activités. Bon, ici à Bougainvillea, il y a l'activité de main d'œuvre. Et la population est active et auprès des projets qui se réalisent dans notre commune, notamment les travaux de réhabilitation de la piste de Bougainvillea-Boubou et les travaux de réhabilitation d'autres pistes qui ont été aménagées par le projet Paivabe. Il y a également les activités qui sont organisées par la commune et qui demandent à main d'œuvre. Il y a également des commerçants de viande, les commerçants boutiquiers. Il y a des activités diverses de métiers, notamment les soudeurs, les coiffeurs et tout autre. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on ne constate pas de famine dans notre commune. C'était Pater Nebingoye, il est conseiller technique chargé des affaires économiques et du développement au niveau de la commune Bougainvillea dans la province Gitega. Et on parlait encore une fois de l'éducation. La hausse du Minerva a contraint certains élèves à quitter les écoles à régime d'internat pour chercher les places dans les lycées communaux. Cela accentue le problème d'encadrement des enfants. Nous sommes dans la province de Muyinga. Pour le directeur de l'enseignement dans cette province, le problème reste du côté des parents non conscients qui doivent supporter le coût de l'éducation des enfants. Cela a fait partie des observations émises lors de la rencontre des natifs de Muyinga réunis ce samedi en évaluation des réalisations de 2018 et perspectives de 2019. Et du sport au rendez-vous, la Fédération burundaise d'athlétisme a organisé ce dimanche à mairie de Bujumbura les compétitions nationales d'athlétisme cross-country. Le président de la Fédération d'athlétisme burundi indique que ces compétitions ont été organisées dans le cadre de sélectionner 7 meilleurs athlètes qui vont représenter le Burundi dans les compétitions mondiales de cross-country qui se tiendront au Danemark le mois de mars. Ambassadeur Kwizera Dieudonné alias Mouvuduka reste confiant que le Burundi va décrocher beaucoup de médailles dans ces compétitions. Suivez Dieudonné Mouvuduka. L'objectif de cette compétition, c'est d'abord un programme que nous avons mis en place qui consiste à faire des compétitions au niveau provincial. Les meilleurs de chaque province se rencontrent au niveau des régions. On a subdivisé le Burundi en 4 régions, nord, est, ouest et centre. Et les meilleurs de chaque province se rencontrent au niveau de leurs régions respectives. Et les meilleurs de chaque région se rencontrent aujourd'hui au niveau de cette compétition nationale. Et les meilleurs de cette compétition aujourd'hui vont représenter le Burundi au niveau du championnat du monde de cross-country qui va se dérouler à Aarhus au Danemark. Nous avons un quota de 7 personnes qui seront prises en charge par le comité d'organisation et nous espérons que les athlètes qui seront sélectionnés vont représenter le Burundi dignement. Vu les entraînements des athlètes burundais, est-ce que vous êtes confiant ou bien vous êtes persuadé de l'emporter les médailles dans ce championnat qui se tiendra en Danemark? Nous sommes ici, on fait un travail qu'on connaît. Nous-mêmes, nous avons pratiqué ce sport, on sait ce qu'il faut et vu le programme que nous avons mis en place, vu les résultats qui sont enregistrés aujourd'hui par les athlètes depuis qu'on a initié ce programme, nous avons l'espoir que les jeunes athlètes burundais que vous voyez aujourd'hui, parmi eux, nous allons trouver des gens qui vont remporter des médailles. Et quel appel avez-vous à ceux qui aiment le sport ou bien au Burundi en général? Il faut aimer le sport, mais le sport, comme toute activité physique, a des limites. Il faut toujours associer le sport avec les études. Ne jamais abandonner les études. Les études priment sur toute autre chose. Actualité internationale. En actualité internationale, pour clore cette édition en RDC, les candidats sénateurs dénoncent des tentatives de corruption. Les élections des gouverneurs et celles des sénateurs sont prévues au mois de mars 2019 et ces derniers sont élus par les députés provinciaux, donc au niveau des assemblées provinciales. Mais cette semaine, selon la RFI, certains des élus provinciaux de Kinshasa sont accusés de demander de l'argent en échange de leur voix. L'affaire a commencé à faire grand bruit. Selon toujours la RFI à Kinshasa, deux candidats à l'élection sénatoriale ont ouvertement dénoncé ce qu'ils appellent un monnayage de voix et ont annoncé avoir retiré leur candidature. L'homme d'affaires Adamo Bambolé a était le premier à monter au créneau en publiant la lettre de retrait de sa candidature sur les réseaux sociaux. Quelques heures plus tard, c'était le tour d'Ovidi Tsimanga, proche collaborateur du président Félix Tshisekedi, également candidat sénateur, de jeter l'éponge au niveau de la société civile. Les organisations demandent à la justice de se saisir de l'affaire et évoquent des conséquences immédiates de l'élection des gouverneurs si ces pratiques de corruption sont confirmées. Voilà, c'est la fin de cette édition. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle que le président du parti Congrès national pour la liberté SNL appelle ses militants à faire preuve de la tolérance politique envers d'autres militants des partis politiques. C'est après l'agrément de son parti. Et là, au lycée communal Gatoué en commune Kayokwe, nous sommes dans la province de Mwaro, fait face à un manque criant d'enseignants ou plus de 80 heures de cours, non pas d'enseignants à temps plein. Et en mairie de Bujumbura, vous venez de l'entendre, la Fédération burundaise d'athlétisme a organisé ce dimanche des compétitions nationales d'athlétisme cross-country dans le but de sélectionner 7 meilleurs athlètes qui vont représenter le Burundi dans les compétitions nationales au Danemark au mois de mars cette année. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la technique. Epitas Ndaishimiye et Eric Wimana qui assurent la mise en onde de la présentation. Vous étiez avec Placide Niamongere. Une bonne journée dominicale à tous. Au revoir.